si parfaitement dissemblable, s'était plu, et depuis le matin ne se quittait guère. Monsieur de Galais m'avait pris à part un instant au début de la soirée pour me dire que j'avais là un ami plein de tact, de déférence et de qualité. Peut-être même avait-il été jusqu'à lui confier le secret de l'existence de Bélisaire et le lieu de sa cachette. Je pensais moi aussi à m'éloigner, mais je sentais les deux jeunes gens si gênés, si anxieux l'un en face de l'autre, que je jugeais prudent de ne pas le faire. Tant de discrétion de la part de Jasmin, tant de précautions de la mienne, servirent à peu de chose. Ils parlèrent, mais invariablement, avec un entêtement dont ils ne se rendaient certainement pas compte, Mon en revenait à toutes les merveilles de jadis. Et chaque fois, la jeune fille, au supplice, devait lui répéter que tout était disparu. La vieille demeure, si étrange et si compliquée, abattue. Le grand étang, asséché, comblé. Et dispersé, les enfants aux charmants costumes. Ah ! Faisait simplement Mône avec désespoir. Et comme si chacune de ces disparitions lui eût donné raison contre la jeune fille ou contre moi. Nous marchions côte à côte. Vainement, j'essayais de faire diversion à la tristesse qui nous gagnait tous les trois. D'une question abrupte, Mône, de nouveau, cédait à son idée fixe. Il demandait des renseignements sur tout ce qu'il avait vu autrefois. Les petites filles, le conducteur de la vieille berline, les poneys de la course. Les poneys sont vendus aussi? Il n'y a plus de chevaux au domaine. Elle répondit qu'il n'y en avait plus. Elle ne parla pas de Bélisaire. Alors il évoqua les objets de sa chambre, les candélabres, la grande glace, le vieux luth brisé. Il s'enquérait de tout cela, avec une passion insolite, comme s'il eût voulu se persuader que rien ne subsistait de sa belle aventure, que la jeune fille ne lui rapporterait pas une épave capable de prouver qu'il n'avait pas rêvé tous les deux, comme le plongeur rapporte du fond de l'eau un caillou et des algues. Mademoiselle de Galais et moi, nous ne pûmes nous empêcher de sourire tristement. Elle se décida à lui expliquer. Vous ne reverrez pas le beau château que nous avions arrangé, monsieur de Galais et moi, pour le pauvre Franz. Nous passions notre vie à faire ce qu'il demandait. C'était un être si étrange, si charmant. Mais tout a disparu avec lui le soir de ses fiançailles manquées. Déjà, monsieur de Galais était ruiné sans que nous le sachions. Franz avait fait des dettes, et ses anciens camarades, apprenant sa disparition, ont aussitôt réclamé auprès de nous. Nous sommes devenus pauvres. Madame de Galais est morte, et nous avons perdu tous nos amis en quelques jours. Que Franz revienne s'il n'est pas mort, qu'il retrouve ses amis et sa fiancée, que la noce interrompue se fasse, et peut-être tout redeviendra-t-il comme c'était autrefois. Mais le passé peut-il renaître? Qui sait? Dit Mône pensif, et il ne demanda plus rien. Sur l'herbe courte et légèrement jaune déjà, nous marchions tous les trois sans bruit. Augustin avait à sa droite, près de lui, la jeune fille qu'il avait crue perdue pour toujours. Lorsqu'il posait une de ces dures questions, elle tournait vers lui lentement pour lui répondre, son charmant visage inquiet. Et une fois, en lui parlant, elle avait posé doucement sa main sur son bras, d'un geste plein de confiance et de faiblesse. Pourquoi le grand mot n'était-il là comme un étranger, comme quelqu'un qui n'a pas trouvé ce qu'il cherchait et que rien d'autre ne peut intéresser? Ce bonheur-là, 3 ans plus tôt, il n'eût pu le supporter sans effroi, sans folie peut-être. D'où venait donc ce vide, cet éloignement, cette impuissance à être heureux qu'il y avait en lui à cette heure? Nous approchions du petit bois où le matin M. de Galais avait attaché Bélisaire. Le soleil, vers son déclin, allongeait nos ombres sur l'herbe. À l'autre bout de la pelouse, nous entendions, assourdis par l'éloignement, comme un bourdonnement heureux, les voix des joueurs et des fillettes, et nous restions silencieux, dans ce calme admirable, lorsque nous entendîmes chanter de l'autre côté du bois, dans la direction des aubiers, la ferme du bord de l'eau. C'était la voix jeune et lointaine de quelqu'un qui mène ses bêtes à l'abreuvoir, un air rythmé comme un air de danse, mais que l'homme étirait et alanguissait comme une vieille ballade triste. Mes souliers sont rouges, adieu mes amours, mes souliers sont rouges, adieu sans retour. Mône avait levé la tête et écoutait. Ce n'était rien qu'un de ces airs que chantaient les paysans attardés au domaine sans nom le dernier soir de la fête, quand déjà tout s'était écroulé. Rien qu'un souvenir, le plus misérable, de ces beaux jours qui ne reviendraient plus. « Mais vous l'entendez ?» dit Mône à mi-voix. « Oh, je vais aller voir qui c'est !» Et tout de suite, il s'engagea dans le petit bois. Presque aussitôt, la voix se tut. On entendit encore une seconde l'homme siffler ses bêtes en s'éloignant, puis plus rien. Je regardais la jeune fille. Pensive et accablée, elle avait les yeux fixés sur le taillis où Mône venait de disparaître. Que de fois, plus tard, elle devait regarder ainsi, pensivement, le passage par où s'en irait à jamais le grand Mône. Elle se tourna vers moi. « Il n'est pas heureux, » dit-elle douloureusement. Elle ajouta « Et peut-être que je ne puis rien pour lui. » J'hésitais à répondre, craignant que Mône, qui devait d'un saut avoir gagné la ferme et qui maintenant revenait par le bois, ne surprît notre conversation. Mais j'allais l'encourager cependant, lui dire de ne pas craindre de brusquer le grand gars, qu'un secret sans doute le désespérait et que jamais de lui-même il ne se confierait à elle ni à personne. Lorsque soudain, de l'autre côté du bois, partit un cri, puis nous entendîmes un piétinement comme d'un cheval qui pétarade et le bruit d'une dispute à voix entrecoupée. Je compris tout de suite qu'il était arrivé un accident au vieux Bélisaire, et je courus vers l'endroit d'où venait tout le tapage. Mademoiselle de Galais me suivit de loin. Du fond de la pelouse, on avait dû remarquer notre mouvement, car j'entendis, au moment où j'entrais dans le taillis, les cris des gens qui accouraient. Le vieux Bélisaire, attaché trop bas, s'était pris une patte de devant dans sa longe. Il n'avait pas bougé jusqu'au moment où M. de Galais et de Louche, au cours de leur promenade, s'étaient approchés de lui. Effrayé, excité par l'avoine insolite qu'on lui avait donnée, il s'était débattu furieusement. Les deux hommes avaient essayé de le délivrer, mais si maladroitement qu'ils avaient réussi à l'empêtrer davantage, tout en risquant d'essuyer de dangereux coups de sabot. C'est à ce moment que, par hasard, Mône, revenant des aubiers, était tombé sur le groupe. Furieux de tant de gaucheries, il avait bousculé les deux hommes au risque de les envoyer rouler dans le buisson. Avec précaution, mais en un tour de main, il avait délivré Bélisaire. Trop tard, car le mal était déjà fait. Le cheval devait avoir un air foulé, quelque chose de brisé peut-être, car il se tenait piteusement la tête basse, sa selle à demi dessanglée sur le dos, une patte repliée sous son ventre et toute tremblante. Mône, penché, le tâtait et l'examinait sans rien dire. Lorsqu'il releva la tête, presque tout le monde était là, rassemblé, mais il ne vit personne. Il était fâché, rouge. « Je me demande, cria-t-il, qui a bien pu l'attacher de la sorte et lui laisser sa selle sur le dos toute la journée ? Et qui a eu l'audace de seller ce vieux cheval, bon tout au plus pour une carriole ?» Delouche voulut dire quelque chose, tout prendre sur lui. « Tais-toi donc, c'est ta faute encore. Je t'ai vu tirer bêtement sur sa longe pour le dégager. » Et se baissant de nouveau, il se remit à frotter le jarret du cheval avec le plat de la main. Monsieur de Galais, qui n'avait rien dit encore, eut le tort de vouloir sortir de sa réserve. Il bégaya. « Les officiers de marine ont l'habitude, mon cheval. » « Ah, il est à vous, » dit Mône un peu calmé, très rouge, en tournant la tête de côté vers le vieillard. Je crus qu'il allait changer de ton, faire des excuses. Il souffla un instant, et je vis alors qu'il prenait un plaisir amer et désespéré à aggraver la situation, à tout briser à jamais, en disant avec insolence « Eh bien, je ne vous fais pas mon compliment. » Quelqu'un suggéra « Peut-être que de l'eau fraîche, en le baignant dans le gué. » « Il faut, » dit Mône sans répondre, « emmener tout de suite ce vieux cheval pendant qu'il peut encore marcher, et il n'y a pas de temps à perdre, le mettre à l'écurie et ne jamais plus l'en sortir. » Plusieurs jeunes gens s'offrirent aussitôt, mais Mademoiselle de Galais les remercia vivement. Le visage en feu, prête à fondre en larmes, elle dit au revoir à tout le monde, et même à Mône décontenancée, qui n'osa pas la regarder. Elle prit la bête par les rênes, comme on donne à quelqu'un la main, plutôt pour s'approcher d'elle davantage que pour la conduire. Le vent de cette fin d'été était si tiède sur le chemin des Sablonnières qu'on se serait cru au mois de mai, et les feuilles des haies tremblaient à la brise du sud. Nous la vîmes partir ainsi, son bras à demi sorti du manteau, tenant dans sa main étroite la grosse reine de cuir. Son père marchait péniblement à côté d'elle. Triste fin de soirée. Peu à peu, chacun ramassa ses paquets, ses couverts, on plia les chaises, on démonta les tables. Une à une, les voitures chargées de bagages et de gens partirent, avec des chapeaux levés et des mouchoirs agités. Les derniers, nous restâmes sur le terrain avec mon oncle Florentin, qui ruminait comme nous, sans rien dire, ses regrets et sa grosse déception. Nous aussi nous partîmes, emportés vivement dans notre voiture bien suspendue par notre beau cheval alezan. La roue grinça au tournant dans le sable, et bientôt, Mône et moi, qui étions assis sur le siège de derrière, nous vîmes disparaître sur la petite route l'entrée du chemin de traverse que le vieux Bélisaire et ses maîtres avaient pris. Mais alors, mon compagnon, l'être que je sache au monde le plus incapable de pleurer, tourna soudain vers moi son visage bouleversé par une irrésistible montée de larmes. « Arrêtez, voulez-vous » dit-il en mettant la main sur l'épaule de Florentin. « Ne vous occupez pas de moi, je reviendrai tout seul, à pied. » Et d'un bond, la main au garde-boue de la voiture, il sauta à terre. À notre stupéfaction, rebroussant chemin, il se prit à courir et courut jusqu'au petit chemin que nous venions de passer, le chemin des Sablonnières. Il dut arriver au domaine par cette allée de sapins qu'il avait suivie jadis, où il avait entendu, vagabond caché dans les basses branches, la conversation mystérieuse des beaux enfants inconnus. Et c'est ce soir-là, avec des sanglots, qu'il demanda en mariage Mademoiselle de Galais. Chapitre 7. Le jour des noces. C'est un jeudi, au commencement de février, un beau jeudi soir, glacé, où le grand vent souffle. Il est 3h30, 4h. Sur les haies, auprès des bourgs, les lessives sont étendues depuis midi et sèchent à la bourrasque. Dans chaque maison, le feu de la salle à manger fait luire tout un reposoir de joujoux vernis. Fatigué de jouer, l'enfant s'est assis auprès de sa mère, et il lui fait raconter la journée de son mariage. Pour celui qui ne veut pas être heureux, il n'a qu'à monter dans son grenier, et il entendra, jusqu'au soir, siffler et gémir les naufrages. Il n'a qu'à s'en aller dehors sur la route, et le vent lui rabattra son foulard sur la bouche comme un chaud baiser soudain qui le fera pleurer. Mais pour celui qui aime le bonheur, il y a, au bord d'un chemin boueux, la maison des Sablonnières, où mon ami Maune est rentré avec Yvonne de Galais, qui est sa femme depuis midi. Les fiançailles ont duré 5 mois. Elles ont été paisibles, aussi paisibles que la première entrevue avait été mouvementée. Maune est venu très souvent aux Sablonnières, à bicyclette ou en voiture. Plus de 2 fois par semaine, cousant ou lisant près de la fenêtre qui donne sur la lande et les sapins, Mademoiselle de Galais a vu tout d'un coup sa haute silhouette rapide passer derrière le rideau, car il vient toujours par l'allée détournée qu'il a prise autrefois. Mais c'est la seule allusion, tacite, qu'il fasse au passé. Le bonheur semble avoir endormi son étrange tourment. De petits événements ont fait date pendant ces 5 calmes mois. On m'a nommé instituteur au hameau de Saint-Benoît-des-Champs. Saint-Benoît n'est pas un village, ce sont des fermes disséminées à travers la campagne, et la maison d'école est complètement isolée sur une côte au bord de la route. Je mène une vie bien solitaire. Mais, en passant par les champs, il ne faut que 3 quarts d'heure de marche pour gagner les Sablonnières. Delouche est maintenant chez son oncle, qui est entrepreneur de maçonnerie au Vieux Nançay. Ce sera bientôt lui le patron. Il vient souvent me voir. Maune, sur la prière de Mademoiselle de Galais, est maintenant très aimable avec lui. Et ceci explique comment nous sommes là, tous deux, à rôder, vers 4 heures de l'après-midi, alors que les gens de la noce sont déjà tous repartis. Le mariage s'est fait à midi, avec le plus de silence possible, dans l'ancienne chapelle des Sablonnières, qu'on n'a pas abattue et que les sapins cachent à moitié sur le versant de la côte prochaine. Après un déjeuner rapide, la mère de Maune, M. Serel et Milly, Florentin et les autres, sont remontés en voiture. Il n'est resté que Jasmin et moi. Nous irons à la lisière des bois qui sont derrière la maison des Sablonnières, au bord du grand terrain en friche, emplacement ancien du domaine aujourd'hui abattu. Sans vouloir l'avouer, et sans savoir pourquoi, nous sommes remplis d'inquiétude. En vain nous essayons de distraire nos pensées et de tromper notre angoisse en nous montrant, au cours de notre promenade errante, les bauges des lièvres et les petits sillons de sable où les lapins ont gratté fraîchement, un col étendu, la trace d'un braconnier. Mais sans cesse, nous revenons à ce bord du taillis d'où l'on découvre la maison, silencieuse et fermée. Au bas de la grande croisée qui donne sur les sapins, il y a un balcon de bois, envahi par les herbes folles que couche le vent. Une lueur, comme d'un feu allumé, se reflète sur les carreaux de la fenêtre. De temps à autre, une ombre passe. Tout autour, dans les champs environnants, dans le potager, dans la seule ferme qui reste des anciennes dépendances, silence et solitude. Les métayers sont partis au bourg pour fêter le bonheur de leur maître. De temps à autre, le vent, chargé d'une buée qui est presque de la pluie, nous mouille la figure et nous apporte la parole perdue d'un piano. Là-bas, dans la maison fermée, quelqu'un joue. Je m'arrête un instant pour écouter en silence. C'est d'abord comme une voix tremblante qui, de très loin, ose à peine chanter sa joie. C'est comme le rire d'une petite fille qui, dans sa chambre, a été chercher tous ses jouets et les répand devant son ami. Je pense aussi à la joie craintive encore d'une femme qui a été mettre une belle robe et qui vient la montrer et ne sait pas si elle plaira. Cet air que je ne connais pas, c'est aussi une prière, une supplication au bonheur de ne pas être trop cruel, un salut et comme un agenouillement devant le bonheur. Je pense. Ils sont heureux enfin, Maud est là-bas près d'elle. Et savoir cela, en être sûr, suffit au contentement parfait du brave enfant que je suis. À ce moment, tout absorbé, le visage mouillé par le vent de la plaine comme par l'embrun de la mer, je sens qu'on me touche l'épaule. « Écoute !» dit Jasmin tout bas. Je le regarde, il me fait signe de ne pas bouger, et lui-même, la tête inclinée, le sourcil froncé, il écoute. Chapitre 8. L'appel de Franz. Cette fois, j'ai entendu. C'est un signal, un appel sur deux notes, hautes et basses, que j'ai déjà entendu jadis. Ah, je me souviens, c'est le cri du grand comédien lorsqu'il hélait son jeune compagnon à la grille de l'école. C'est l'appel à quoi Franz nous avait fait jurer de nous rendre, n'importe où et n'importe quand. Mais que demande-t-il ici, aujourd'hui, celui-là? Cela vient de la grande sapinière à gauche, dis-je à mi-voix. C'est un braconnier, sans doute. Jasmin secoue la tête. Tu sais bien que non, dit-il. Puis plus bas. Ils sont dans le pays, tous les deux, depuis ce matin. J'ai surpris Ganache à 11 heures en train de guetter dans un champ auprès de la chapelle. Il a détalé en m'apercevant. Ils sont venus de loin, peut-être à bicyclette, car il était couvert de boue jusqu'au milieu du dos. Mais que cherche-t-il? Je n'en sais rien, mais à coup sûr, il faut que nous les chassions. Il ne faut pas les laisser rôder aux alentours, ou bien toutes les folies vont recommencer. Je suis de cet avis, sans l'avouer. Le mieux, dis-je, serait de les joindre, de voir ce qu'ils veulent et de leur faire entendre raison. Lentement, silencieusement, nous nous glissons donc en nous baissant à travers le taillis jusqu'à la grande sapinière, d'où part, à intervalles réguliers, ce cri prolongé qui n'est pas en soi plus triste qu'autre chose, mais qui nous semble à tous les deux de sinistre augure. Il est difficile, dans cette partie du bois de sapin où le regard s'enfonce entre les troncs régulièrement plantés, de surprendre quelqu'un et de s'avancer sans être vu. Nous n'essayons même pas. Je me poste à l'angle du bois. Jasmin va se placer à l'angle opposé, de façon à commander, comme moi, de l'extérieur, deux des côtés du rectangle, et à ne pas laisser fuir l'un des bohémiens sans le héler. Ces dispositions prises, je commence à jouer mon rôle d'éclaireur pacifique, et j'appelle. « Franz !» « Franz, ne craignez rien, c'est moi, Sorel. Je voudrais vous parler. » Un instant de silence. Je vais me décider à crier encore, lorsque, au cœur même de la sapinière, où mon regard n'atteint pas tout à fait, une voix commande. « Restez où vous êtes, il va venir vous trouver. » Peu à peu, entre les grands sapins que l'éloignement fait paraître serrés, je distingue la silhouette du jeune homme qui s'approche. Il paraît couvert de boue et mal vêtu. Des épingles de bicyclette serrent le bas de son pantalon, une vieille casquette à ancre est plaquée sur ses cheveux trop longs. Je vois maintenant sa figure amaigrie. Il semble avoir pleuré. S'approchant de moi, résolument, « Que voulez-vous » demande-t-il d'un air très insolent. « Et vous-même, Franz, que faites-vous ici ? Pourquoi venez-vous troubler ceux qui sont heureux? Qu'avez-vous à demander? Dites-le. » Ainsi interrogé directement, il rougit un peu. Balbutie répond seulement « Je suis malheureux, moi, je suis malheureux. » Puis, la tête dans le bras, appuyé à un tronc d'arbre, il se prend à sangloter amèrement. Nous avons fait quelques pas dans la sapinière. L'endroit est parfaitement silencieux. Pas même la voix du vent que les grands sapins de la lisière arrêtent. Entre les troncs réguliers, se répète et s'éteint le bruit des sanglots étouffés du jeune homme. J'attendis que cette crise s'apaise et je dis, en lui mettant la main sur l'épaule, « Franz, vous viendrez avec moi. Je vous mènerai auprès d'eux. Ils vous accueilleront comme un enfant perdu qu'on a retrouvé. Et tout sera fini. » Mais il ne voulait rien entendre. D'une voix assourdie par les larmes, malheureux, entêté, colère, il reprenait. « Ainsi, Maud ne s'occupe plus de moi. Pourquoi ne répond-il pas quand je l'appelle? Pourquoi ne tient-il pas sa promesse ?»« Voyons, Franz, répondis-je, le temps des fantasmagories et des enfantillages est passé. Ne troublez pas avec des folies le bonheur de ceux que vous aimez, de votre sœur et d'Augustin Mohn. Mais lui seul peut me sauver, vous le savez bien. Lui seul est capable de retrouver la trace que je cherche. Voilà bientôt 3 ans que Ganache et moi nous battons toute la France sans résultat. Je n'avais plus confiance qu'en votre ami, et voici qu'il ne répond plus. Il a trouvé son amour, lui. Pourquoi maintenant ne pense-t-il pas à moi? Il faut qu'il se mette en route. Yvonne le laissera bien partir, elle ne m'a jamais rien refusé. » Il me montrait un visage où, dans la poussière et la boue, les larmes avaient tracé des sillons sales. Un visage de vieux gamin épuisé et battu. Ses yeux étaient cernés de taches de rousseur, son menton mal rasé, ses cheveux trop longs traînaient sur son col sale. Les mains dans les poches, il grelottait. Ce n'était plus ce royal enfant en guenille des années passées. De cœur, sans doute, il était plus enfant que jamais. Impérieux, fantasque et tout de suite désespéré. Mais cet enfantillage était pénible à supporter chez ce garçon déjà légèrement vieilli. Naguère, il y avait en lui tant d'orgueilleuse jeunesse que toute folie au monde lui paraissait permise. À présent, on était d'abord tenté de le plaindre pour n'avoir pas réussi sa vie. Puis, de lui reprocher ce rôle absurde de jeune héros romantique où je le voyais s'entêter. Et enfin, je pensais, malgré moi, que notre beau Franz aux belles amours avait dû se mettre à voler pour vivre, tout comme son compagnon Ganache. Tant d'orgueil avait abouti à cela. « Si je vous promets, dis-je enfin après avoir réfléchi, que dans quelques jours, Mohn se mettra en campagne pour vous, rien que pour vous. « Il réussira, n'est-ce pas? Vous en êtes sûr ? » me demanda-t-il en claquant des dents. « Je le pense, tout devient possible avec lui. « Mais comment le saurais-je? Qui me le dira ?»« Vous reviendrez ici, dans 1 an exactement, à cette même heure. Vous trouverez la jeune fille que vous aimez. » Et en disant ceci, je pensais non pas troubler les nouveaux époux, mais m'enquérir auprès de la tante Moinelle et faire diligence moi-même pour trouver la jeune fille. Le bohémien me regardait dans les yeux, avec une volonté de confiance vraiment admirable. 15 ans. Il avait encore et tout de même 15 ans. L'âge que nous avions à Sainte-Agathe, le soir du balayage des classes, quand nous fîmes tous les trois ce terrible serment enfantin. Le désespoir le reprit lorsqu'il fut obligé de dire « Eh bien, nous allons partir. » Il regarda, certainement avec un grand serrement de cœur, tous ces bois d'alentour qu'il allait de nouveau quitter. « Nous serons dans 3 jours, dit-il, sur les routes d'Allemagne. Nous avons laissé nos voitures au loin. » Et depuis 30 heures, nous marchions sans arrêt. Nous pensions arriver à temps pour emmener Mohn avant le mariage et chercher avec lui ma fiancée, comme il a cherché le domaine des Sablonnières. Puis, repris par sa terrible puérilité, « Appelez votre Delouche, dit-il en s'en allant, parce que si je le rencontrais, ce serait affreux. » Peu à peu, entre les sapins, je vis disparaître sa silhouette grise. J'appelai Jasmin et nous allâmes reprendre notre faction. Mais presque aussitôt, nous aperçûmes, là-bas,